Vers 15 now. Vers 15. Vers 15. I know your works. That thou art neither cold nor hot. I would thou were cold or hot. Offenbarung 3, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, auch dass du kalt oder heiß wärst. Sie sind nicht hier oder nicht dort. Sie sind nicht entschlossen. Apokalypse 3, 15. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Si seulement tu étais froid ou brillant. Donc tu vois qu'il connaît ton cœur, que tu n'es pas si tu n'es pas aujourd'hui tu es pour lui et demain tu es contre lui. You know, they will say they hate religion. But the truth, they don't even like it either. They don't love it. Sie sagen, sie hassen Religion, aber die Wahrheit gefällt ihnen auch nicht. Es sind des gens qui disent qu'ils détestent la religion, mais la vérité, ils n'aiment pas aussi. Are you guys saying that? They say they hate religion. They are not of religion. But you know, once the truth comes, they fight it. Sie hassen Religion und sind dagegen, aber wenn die Wahrheit kommt, können sie sich auch nicht beugen. Sie können sie auch nicht akzeptieren. Sie verhärten ihr Herz. Ils disent qu'ils détestent la religion, mais dès que la vérité vient, oui, ils ne sont pas aussi capables à le comprendre ou bien à faire avec. Ils sont lauwarm. Donc ils sont vraiment tièdes. You are not here, you are not there. Vous êtes hier, vous êtes dort. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas là-bas. Praise the Lord. Vers 16. Vers 16. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will pour thee out of my mouth. Praise the Lord. I will not want to be in this position. Ich will nicht in dieser Position Please sein. Choose Christ completely. Wählt bitte Christus vollkommen. Et Jésus-Christ a dit à verset 16 que même plus que tu es tiède et je vais te vomir de ma bouche et personne n'aimerait être dans cette position. C'est pour cela choisissez un côté et restez vers Jésus-Christ. Choisissez le Christ. Amen. Soyez chaud pour lui. Who can still trust God when things are getting worse? Wer kann Christus immer noch vertrauen, wenn Dinge schlimmer werden? Qui est capable de faire confiance à l'Éternel quand les histoires sont en train de s'aggraver? Amen. At the 99th hour, who can still depend on the Lord and say, I chose you? Wer kann bis zum Schluss an Christus festhalten? Selbst wenn es zum Tod kommen sollte. Qui est capable à choisir l'Éternel jusqu'au bout, même si tu te dis que, même si je veux mourir, moi, je suis toi et moi aujourd'hui. Who can still believe Christ when there's nothing to hope for? Wenn es hoffnungslos ist. Qui est capable à croire Jésus-Christ quand il n'y a plus d'expérience, quand il n'y a plus d'espoir? Again, what a faith, the three Hebrew boys. Nochmal, was für ein Glauben. Abraham, the woman with issue of blood, the centurion man. Die drei Paul and Silas. You can just name them. Daniel, Elijah, Mose, Paulus und Silas im Gefängnis. Amen. Donc, on peut voir, mais quelle foi ces gens-là, ils avaient vraiment une foi vraiment qu'on peut vraiment apprécier. Quand tu vois les trois garçons hébreux, tu vois Daniel, tu vois Moïse, tu vois les trois garçons hébreux, tu vois tout le monde là. Ils avaient une foi vraiment très, très grande. Praise the Lord. Let's just look at that of Paul and Silas. Apostelgeschichte. Même Paul et Silas, on va voir Actes des Apôtres 16. From verse 16. Amen. Amen. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us. Amen. The spirit that can see vision. Ein Geist der Vision sieht. Der beide Seiten sieht. Donc, en ce moment-là, il y avait une fille là qui était en train de qui voyait des visions. Donc, c'était une fille qui avait un esprit qui voyait tous les deux côtés. You know, a lot of pastors we love the spirit. Viele Pastoren würden so einen Geist lieben. A lot of pastors will be hungry of the spirit. They look for who will give them the spirit. Wer kann mir diesen Geist beschaffen? Il y a beaucoup des pasteurs qui sont capables, qui voudra vraiment bien aimer cet esprit là, parce qu'ils vont dire, j'aimerais bien aussi avoir un esprit qui fait voir, qui est enfin enfant de Dieu ou bien qui voit les histoires. Praise the Lord. That's the spirit they are looking for everywhere in Africa. Es ist besser, blind zu sein, als von so einem Geist besessen zu sein. To people that they belong to God. Aber die Leute wollen von so einem Geist in Besitz genommen werden, weil sie damit an Glaubwürdigkeit gewinnen, ernst genommen werden und sehr viele Nachfolger haben. Donc ces gens-là veulent avoir un esprit même du diable, même si c'est, ça vient du diable, oui, ils veulent avoir cet esprit-là pour convaincre aux gens qu'ils appartiennent au Dieu, mais nous on veut pas avoir ces esprits-là parce qu'on sait qui on est. Because people are looking for problems to be solved. Weil Leute suchen ja danach, dass Probleme gelöst werden. Parce que les personnes sont venues chercher des solutions parce qu'ils ont des problèmes. And that's why Christ's kingdom is not about problems, so it's about seeing Christ. The world of Christ. Have a relationship, love relationship with him. Dass Probleme gelöst werden, sondern dass man eine Beziehung hat mit Christus. Et c'est pour cela, dans le royaume des cieux, il ne s'agit pas de résoudre les problèmes, mais d'avoir une relation vivante avec le Christ. Amen. If you are looking for problems to be solved, you know, this spirit will be good for you. Wenn du danach suchst, dass Probleme gelöst werden, wäre es... Because this guy was solving problems. He could see the other side. Ist der Geist sehr hilfreich, weil dieser Geist sorgt dafür, dass du die andere Seite siehst. Mm. Si tu es en train de chercher un esprit qui... oui. Ok, parce que si tu es en train de chercher un esprit qui est en train de chercher des solutions, cet esprit-là, c'est bien. Mais quand tu es en train de chercher seulement Jésus-Christ, parce qu'avec cet esprit-là, tu es capable à résoudre tes problèmes. Mais quand tu cherches avec seulement le Christ, lui, il est déjà la solution. If you look at the natural parents today, it's all about problems solved. For their children, the whole family. Leute anschaust. You don't need Jesus, all you need is this spirit. Wenn du die Leute anschaust, hier geht es immer nur um Probleme gelöst und die Leute brauchen Jesus gar nicht. Ich brauche einfach nur so einen Geist und dann geht's los. Si tu vois, par exemple, il y a beaucoup de parents, ils veulent que les enfants, leur problème soit résolu. Ils disent, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ, tu as besoin de cet esprit-là qui va résoudre tous ces problèmes. You know, some of you, if your parents just know that. No, once you come here, your problem is solved. Here will not contain people. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. They will rush and say, hey, mm-hmm. All of them, they will line up. You see all these big mamas. Mm-hmm. They will just come with. Praise the Lord. Amen. Wenn deine Fleischfamilie, wenn fleischliche Familien wüssten, dass wenn man hier in diese Gemeinde geht, alle physischen Probleme verschwinden würden, würden all diese fleischlichen Mütter ihre Wigs aufsetzen, ihre hohen Schuhe auspacken, ne, und den nächsten Bus packen und hier reinkommen und ne. Und hier reinkommen, ne, und hier übernachten, sogar den Boden sauber machen, weil es geht hier einfach nur darum, dass Probleme gelöst werden. Jeder hat Probleme und hier will, dass sie gelöst werden. Deswegen werden sie hier. Hey, Problem solved. Dans cette église, il s'agissait de résoudre des problèmes. Tu allais vraiment voir qu'on a, nous, on a toujours. Tu vas voir vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont en train de. Qui vont essayer de venir ici, tu vas avoir vraiment une grande queue, les mamans, les tantines qui seront ici pour seulement venir pour avoir des solutions ici. You know, they will fight you. So your church, the problem, once you come, the problem can solve. But then why do you not tell me sis? Why now? When is the next church? Praise the Lord. Amen. Und sie würden sogar mit dir dann sogar diskutieren und sagen, was, du wusstest die ganze Zeit, dass meine ganzen Probleme sich lösen würden, wenn ich hinkomme. Wieso hast du mir das nicht vorher gesagt? Wann ist der nächste Gottesdienst? Ich bin da. Mm. Donc si tu dis à tes mamans et tes tantines que oui, les problèmes seront résolus, ils vont te dire, ah, si c'est comme ça, je viens même demain, je vais venir, à partir d'aujourd'hui, je vais toujours venir. Praise the Lord. Mm. It is only one problem that is on earth. Nur ein Problem ist auf Erden. Il y a seulement un problème qui est sur terre. Just like only one sin. Genauso wie es auch nur eine Sünde gibt. Tout comme il y a seulement un péché. And that problem, Jesus came to solve it. Und dieses Problem, Jesus kam es zu lösen. Et ce problème, c'est Jésus-Christ qui est venu le résoudre. It is knowing him. Es ist ihn zu kennen. Et ce problème, c'est le connaître. That's what salvation is only about. Darum geht's bei der Errettung. Et c'est ça qu'il s'agit de dans le salut. Salvation is not about forgiveness of sin. Errettung ist nicht, da geht es nicht um die Vergebung der Sünden. quand tu, le salut, il, dans le salut, il ne s'agit pas de, de pardonner les péchés. Amen. Jean 3:16. Jean 3:16. Then John 17, verse 3. Johannes 17, Vers 3. Je vais te dire ce qu'est la rédemption. Ça va te faire voir qu'est-ce qui est le salut. Amen. John 3:16. Amen. And John 17, verse 3. Amen. Help us to know what eternal life means. Es hilft uns zu erkennen, was ewiges Leben ist. Ewiges, ja. Und ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui est la vie éternelle. John 17, let's go Johannes to that 17. On va lire Jean 17. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Johannes 17. 17:3. John 17, verse 3. You know, John 3, just Acts 15. Acts 15 and just 16 and 17. 15 and 16, if you read it too. Talk about eternal life. Johannes 3:16 lesen wir von ewigem Leben. Und in Johannes 17 wird erklärt, was ewiges Leben ist. Jean fest. Nein, ich wollte was anderes sagen. Ich habe vergessen. C'était quoi encore? Jean 3 nous fait voir qu'il s'agit de la vie éternelle. Et ici, Jean 17, 3 va nous faire voir qu'est-ce qui est la vie éternelle. Amen. Il parle de Jean 3, 15 et 16, talk about eternal life. In 15 und 16, we will not be perished, but have eternal life. Na, in Johannes 3, 15, 16 lesen von ewigem Leben, na, dass wir halt nicht verloren gehen. Jean 3 nous fait voir qu'il s'agit, là, il parle de la vie éternelle, qu'on ne doit pas être, oui, on, il ne veut pas qu'on puisse être perdu pour toujours. There's nothing like forgiveness of sin there. Da geht es nicht um die Vergebung der Sünden, sondern um ewiges Leben. Dans Jean 3:16, il ne s'agit pas de pardonner les péchés, mais il s'agit de la vie éternelle. Amen. Verse 3, it says, and this is life eternal, that they may know thee. Maintenant, Jean 17:3, on va le lire. And Jesus Christ, thou hast sent, to know. Zu erkennen. Praise the Lord. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. To know the truth. I am the way, the truth, and the life. Je connais la vie, la vie et le Leben. De connaître la vérité, je suis la vie, le chemin et la vérité. To be one with the truth. Eins zu sein mit der Wahrheit. Être un avec la vérité. Love relationship. Love intimate relationship with Jesus Christ. Avoir une relation intime, amoureuse avec Jésus-Christ, là où il ne s'agit que de lui-même. Wo es dir nur um Christus alleine geht. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And that's why if you see churches today, it's all about forgiveness of sin. And then there's nothing more. Immer nur um die Everything is still. Um die Vergebung der Sünden, alles ist im Stillstand. Donc je vais voir que même dans les églises aujourd'hui, il s'agit toujours de pardonner les péchés, d'obtenir des histoires de ceci, de cela, mais il s'agit jamais de la vérité, il s'agit jamais seulement du salut. Praise the Lord. Il faut seulement résoudre des problèmes. Amen. Back to Acts 16, please. Acts 16. Actes des Apôtres 16. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. Because of the spirit. It's not because she's a magician. She's a girl. Wegen ihrem Geist. Or a boy. You can see, there is, it's all about the spirit in her. It's über den Geist about in ihr. A magician or... A man or a woman. Und nicht, dass, weil sie eine Frau ist oder ein Mann ist. Donc on voit qu'ils ont rencontré cette fille, mais il s'agit pas de celle que parce que c'est une fille ou bien c'est elle n'est pas encore âgée ou bien elle est petite. Non, il s'agit de l'esprit qu'elle avait en elle. The natural man will see man or woman. Der natürliche Mensch wird Mann oder Frau sehen. L'homme naturel va voir, oui. Que c'est une fille ou bien c'est un garçon ou bien c'est elle est âgée ou bien elle est petite. The spiritual one never see man or woman, never see me. Die geistliche Welt sieht niemand. It's all about spirit. Männlich oder weiblich, da geht es nur um den Geist. Mais l'esprit de Dieu voit jamais l'âge ou bien le sexe, lui, il voit seulement l'esprit. Amen. If you see religion today, a lot of, there are some group, it's all about male or female. Mm. Es gibt einige Gruppen, da geht es immer nur darum, ob eine Person ein Mann oder eine Frau ist. Es geht immer nur um dieses Geschlecht, weil sie nichts anderes haben. Si tu vois dans les gars, beaucoup dans des religions, beaucoup dans des groupes, il y a que ou les groupes des femmes, des garçons, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Ils ont seulement la chair, l'extérieur. Praise the Lord. Amen. But I would say the same for Lord Paul and us and Christ, saying, these men are the servants of the Most High God. We show unto us the way of salvation. Oh, that's you can see that revelation. What this girl could see. Are you guys seeing it? The master could not see it. It's all master. Master naturally in the flesh. Those is a master. They are greater than her. Is somebody seeing it? Her masters. They are greater than her. They have money more than her. They are more powerful than her naturally, physically. But this girl could see what they cannot see. Ja, diese Meister waren mächtiger und größer als sie war. Das waren sozusagen ihre sozusagen fast schon Zuhälter, die Leute, die er vermittelt hat an andere Leute. Deswegen hatten sie das Geld und die Macht und den Einfluss. Aber dennoch war sie halt krasser, weil sie einfach diesen Geist hat und über dem Fleisch steht. Donc on peut voir que la fille là était vraiment dans un territoire spirituel. Elle était pas comme les maîtres étaient plus grandes que elle, oui physiquement parce que c'est eux qui ont oui qui elle travaillait pour eux, mais elle avait vraiment cet esprit particulier qui était capable à voir ou bien à voir les surnaturels et oui à détecter les esprits. Exactly. The parents will not say this small girl. Amen. Because there's a spirit that is greater than all of them. Amen. Walking through this girl. Und jeder, der sie kennt, beispielsweise Eltern, würde nicht sagen, es ist einfach nur ein kleines Mädchen, weil sie halt wissen, was sie drauf hat geistlich. Wer sie geistlich ist, sie werden sogar vor ihr beugen, niederknien. Donc, on va voir que les gens, par exemple, comme naturel, les parents vont dire que ben, c'est juste une petite fille, elle est notre fille, donc elle n'a même pas... faut pas avoir peur d'elle, c'est rien. Mais quelqu'un qui est dans l'esprit, il va dire que mais cette fille-là, elle a vraiment de la puissance. Ils vont se commencer à se jeter à terre ou à l'adorer. Verset 18. This did she many days. You know... What sometimes I when I read here, you know, at the beginning, Paul did not stop her. Do you see it? He said, but Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, you know, you are not dealing with flesh and blood. You are not dealing with male or female. You see that? He turned and said to the Spirit, thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. That's why the spirit in your mother, your father, your brothers and sisters, you turn and say to the spirit. The same thing Jesus said. He said, Satan, get behind me. He turned and said, Satan, you know, to the spirit. Are you getting it? Ja, und er hat sich umgewandt und diesen, Paulus hat sich umgewandt und diesen Geist rejected. Am Anfang hat er, zugelassen sozusagen, aber dann hat er irgendwann gesagt, nee, halt, stopp nicht, der Satan wird nicht von mir Zeugnis geben, hör auf damit, ne, und so müssen wir auch diesen Geist verweigern, der halt aus unserer fleischlichen Familie zu uns spricht, und dass wir das auch erkennen und direkt rejecten. They might not be saying the truth. Und vielleicht sagen sie what die Wahrheit. What man called the truth? Das, was der Mensch meint. You know, what this woman was, that's what this lady was saying, was not a lie. En fait, on peut voir que cette femme-là, elle a été en train de... La petite fille-là, elle a commencé à témoigner et à dire que Paul est un enfant, un homme de Dieu. Mais Paul, à la fin, il s'est détourné vers cette fille. Elle a dit de se taire et il a ordonné à cet esprit de sortir du corps de cette femme. Parce que lui, il a dit que mais je ne veux pas autoriser au diable de me témoigner, malgré elle avait raison. Et c'est comme ça aussi qu'on doit aussi être aujourd'hui avec nos parents, ou bien, ce sont des esprits, on a des problèmes avec les esprits, c'est pas la personne. Tu parles à l'esprit, tu ordonnes à l'esprit, tout comme Jésus-Christ a dit à Pierre, il a dit que Satan, arrière de moi, Satan, il avait parlé, il voit que l'esprit. You know, that's why the man, you know, the message can look similar. Genau deswegen kann die Botschaft Genau, und das, was diese Frau gesagt hat, das Mädchen gesagt, war ja noch nicht mal falsch. Aber dennoch muss es verweigert werden. Und genau, manchmal kann die Botschaft sich ähnlich anhören, gleich sein, dass Jesus sogar den gleichen Wortlaut nutzen würde wie dieses Wahrsagermädchen. Aber dennoch ist es nicht die gleiche Quelle. Le message peut même être similaire, mais malgré ce similaire, c'est pas la même source. C'est pour cela qu'on doit faire attention et vraiment être courageux à détecter les esprits et à les chasser. That's why we should be very careful. Und deswegen müssen wir uns in Acht nehmen. God is not taken, he's sent to be deceived. Deswegen müssen wir uns nicht achten, werden selbst die die Heiligen in die Irre geführt. Et c'est pour cela qu'on doit faire attention, parce que si on fait pas attention, même les saints seront confus à la fin. Amen. Because in most cases we want to hear what they say. Deswegen oft, wenn wir das, wollen wir das hören, was sie sagen. Parce que quelquefois, on veut toujours écouter ce qu'ils ont à dire. You know the immobilier you went to. You want to hear what they say, what is coming from there. Mm. Amen. You know you have to prove the source. Mm. And it can be something good. Are you getting it? Mm. Und genauso auch bei dem Konzert, wo wir letztens waren, ne, dass wir da mal hingegangen sind, um zu hören, was die Leute zu sagen haben. Und da muss man sich halt auch. Genau. Und auch da muss man auf die Quelle achten, weil dieser Mensch, ne, dieser Künstler kann auch sagen, Jesus, Jesus, aber was die Quelle, aus welcher Quelle heraus sagt er Jesus, singt er Jesus? Quelquefois, il y a aussi des concerts, quand on est en train de partir, on écoute, ils disent Jésus, Jésus, Jésus, mais on doit vraiment éprouver, on doit vraiment examiner ce qu'il dit, si c'est vraiment le Christ ou pas. Praise the Lord. Amen. And this did she many days, that Paul, the grave torn and said to the spirit. He did not, you know, it's as if Paul did not, even the first day, the second day, the third day, it was getting too much. Mm. And the Lord, Paul could not detect the spirit behind it. Mm. Because it's not saying good thing, it's the spirit behind it. Mm. Genau. Und es geht nicht darum, gute Sachen zu sagen, gute Sachen zu singen, schöne Lyrics zu haben, sondern die Quelle, was die Quelle, woraus du singst, woraus du sprichst, und das ist das, was Paulus erkannt hat, deswegen hat er das verweigert. Mm. Donc il s'agit pas seulement de dire Jésus, Jésus, mais il s'agit de savoir de quelle source tu dis Jésus, et c'est pour cela il faut vraiment le vérifier, et ça Paul l'a fait, il a vérifié, il a examiné ça, il a remarqué que c'était pas de la source de Jésus-Christ, c'est pour cela il était capable à le rejeter. Amen. And said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. We should pray this prayer always. Wir sollten nicht gebeten, immer beten, dass jeder Geist, der nicht von Jesus ist, verweigert wird und zurückgeht. Et c'est pour ça c'est important de prier, de dire que de chasser tous les esprits qui essaient de s'approcher à nous qui ne viennent pas du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19. And when her masters saw that the hope of their gains was gone, the hope of their money, their euro, their dollars, Amen. Was God. Amen. Als aber die Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Urlaub oder die Hoffnung auf die Filiale in der Großstadt oder sonstige Sachen, ne, halt weg war, weil diese Frau ihnen halt sehr viel Geld eingebracht hat, haben die natürlich rot gesehen und ihn ergriffen, Paulus und Silas. Sie ergriffen. Et lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que l'espoir de gain était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînent sur à la grande place de la ville devant les autorités. Donc ils ont porté plainte à Paul et Silas parce qu'ils ont vu que on prend plus de l'argent. And that's why that money is coming out from something does not mean Christ. Nur weil etwas Geld einbringt, heißt nicht, dass es von Christus ist. Et c'est pour cela juste parce que quelque chose t'apporte de l'argent, ça signifie pas que c'est du Christ. This girl was fetching them money. Diese Frau hat den Geld hat Geld gebracht. Cette femme-là les emportait vraiment beaucoup de l'argent. I don't know where you are working. Ich weiß nicht, wo du arbeitest. What you are doing. Was du verkaufst. Money can be coming out from there. Je sais pas qu'est-ce que tu où tu travailles, the qu'est-ce que tu vends. Is it coming from Christ? De l'argent peut de sortir de là, mais est-ce que ça vient de du Christ? Die Frage kommt es von Christus, ne? Nicht ob es schwarze Zahlen schreibt oder ob es Gewinne einbringt, sondern kommt es von Christus. It's like the will of God. The will of God does not mean you get money. Der Wille von Gott heißt nicht, dass du Geld bekommst. C'est comme la volonté de l'Éternel. La volonté de Dieu, ça signifie pas seulement que tu emmènes de l'argent. Amen. Gift and the will of Christ, they are two different things. You can have a gift of, you know, plain God. Are you getting it? And you can't, that you have the gift does not mean that gift is coming from Christ. Dass du eine Gabe hast, ne? Die Gabe zum Beispiel Fußball zu spielen oder Geige zu spielen, heißt nicht, dass diese Gabe von Christus Jesus kommt. Und dass du durch diese Gabe vielleicht sogar richtig reich geworden bist, Geld bekommen hast, heißt nicht, dass diese Gabe von Christus ist. Donc ça signifie que juste parce que tu as un don, que tu sais bien jouer au piano ou bien tu sais jouer au foot, ça signifie pas que ces dons-là, ça vient du Christ. You know, in religious world and the natural world, this, you know, once money is coming out, this, they see that this is God. Like footballers, amen. Play football and money coming out. You know, they just say this is the will of God. Na, religiöse Menschen, sobald sie Geld sehen, wird Geld aus einer Sache entsteht, sagen sie, das muss Gottes Wille sein. Das ist auf jeden Fall von Gott. Sie prüfen das gar nicht mehr. Besonders wenn es dann halt um Fußballer geht oder um Leute, die wirklich Geld verdienen. Sie stellen das gar nicht in Frage, weil der verdient ja gut, dann muss es ja von Gott sein. Es muss ja ein Segen sein. Dans ce monde ici, quand tu connais, tu sais faire et tu as un don, et que tu sais bien chanter, que tu as vraiment de l'argent, tu gagnes de l'argent, on va te dire que ouais, tu es vraiment béni, ça vient de l'Éternel sûrement, mais ce n'est pas le cas, parce que seulement parce qu'un don te donne de l'argent, ou bien t'emmène de l'argent, ou bien ça, te, oui, ça t'aide à devenir célèbre, ça ne signifie pas que ça vient de l'Éternel. Amen. A lot are working for Satan. Und viele Leute arbeiten für den Satan. Ja, beaucoup de gens qui sont en train de travailler. Just like this girl was working for Satan. Genauso wie dieses Mädchen für den Satan gearbeitet hat. Comme cette femme ici. Even your beauty, just like Papa John said. Your beauty can fetch you money. Amen. Und selbst deine Schönheit kann dir Geld einbringen, ne? Oder kann dafür sorgen, dass jemand denkt, dass eine Sache von Gott ist, weil diese Frau so schön ist, muss sie von Gott gesandt sein, ne? Unschlagbar Schönheit. Ja. Même la beauté, tu peux être si belle, mais cette beauté, c'est pas l'Éternel qui te l'a donnée. It's like what a man I heard from a man. He said, hey, he was praising one woman, one lady. He said, how beautiful you are. I think the day God created you, he did not create any other person, it's only you on that day. Because he just pay attention on you. Everything from head to toe, they are perfect. Beauty. You can see. Amen. What they are connecting to God. They are on God and not our. Not, and once they are saying God, I know that it's not my God. Yeah. Ja, und ich habe auch schon mal gehört, wie ein Mann gesagt hat, boah, die Schönheit dieser Frau ist so krass, man könnte meinen, oder wahrscheinlich hat Gott an diesem Tag, wo er diese Person erschaffen hat, nur diese Person erschaffen, sich so viel Zeit genommen hat für diese Person, weil sie so schön aussieht. Ne? Aber das, was sie für gut erachten, ist einfach nur das Fleischische. Und sie versuchen, Gott diesen Schuh auch zu ziehen und denken, dass Gott auch so denkt oder Dinge auch so sieht. Dass auch das für ihn Schönheit bedeutet. Et c'est pour cela aussi, on doit faire. J'ai écouté un homme dire que le jour que Dieu t'a créé, il n'avait pas. Je pense pas qu'il avait créé aussi autre personne parce que tu es vraiment si belle. Et il y a des gens qui sont en train de penser que c'est l'Éternel qui est en train de créer ça, mais c'est pas toujours le cas. Praise the Lord. He said, and when her masters saw that the hope of their gains was gone, they cut Paul. And Silas, and threw them into the marketplace, unto the rulers. 20. And brought them to the magistrate, saying, these men, be Jews, do exceedingly trouble our city. 21. And teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. Verse 22. And the multitude rose up together against them. And the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. And when they had laid many ships upon them. They cast them into prison, charging the jailers to keep them safely. Praise the Lord. Oh, yeah. Verse 24. Amen. Verse 24. Praise the Lord. They were thrown into prison. Sie wurden ins Gefängnis geschmissen. Donc on les a jetés à la prison. Amen. Mm. They were thrown into prison. Sie wurden ins Gefängnis geschmissen. Mm. On les a jetés à la prison. And you have to know why they were thrown into prison. Du musst wissen wieso. Et toi, tu dois savoir pourquoi. It was not because of their evil heart. Nicht wegen ihrem bösen Herzen. Et pas à cause de leur mauvais cœur. Because evil hearts or hardness of heart can throw you into prison. Weil ein böses Herz, ein verhärtetes Herz kann ich ins Gefängnis bringen. Parce que quand tu as un cœur endurci, tu peux aussi partir en, à la prison. Un repentant heart can bring problems to you. Ein unerneuertes, ein unbußfertiges Herz kann dich ins, kann dir Probleme, kann Probleme verursachen. Un cœur qui n'est pas capable à faire, à se repentir. You can see what is called persecution here. Ihr könnt sehen, was Verfolgung hier heißt. Mais si tu peux voir qu'est-ce qu'on appelle persécution. Persecution is not when you disobey Christ. Verfolgung ist nicht, wenn du Christus missachtest. La persécution, c'est pas quand tu désobéis au Christ. Persecution is not when you open the door for Satan to come in to steal, kill and destroy. Verfolgung ist nicht, wenn du dem Satan freiwillig die Tür aufmachst, damit er tötet, steht und zerstört. La persécution, c'est pas quand tu donnes, tu ouvres la porte au diable pour tuer et voler. Praise the Lord. Amen. It's not persecution. It's not when you have eternity. Your heart is full of eternity. Your heart is so hardy against correction, against repentance. There's nothing. You are going to be persecuted, not of the kingdom of heaven. Verfolgung ist nicht, wenn dein Herz voll ist von Alternativen, weil du wirst verfolgt werden, aber es ist nicht wegen dem Königreich des Himmels, sondern es ist irgendwas anderem. La persécution, c'est pas quand ton cœur est plein de des alternatives. Non, c'est pas comme ça. Praise the Lord. 1 Peter 4. 1 Petrus 4. 1 Pierre 4. He said, "Beloved, take it not strange concerning the fiery trial, which is to try you. Amen. They might throw you into prison. Sie werden dich vielleicht ins Gefängnis schmeißen. Ils vont te jeter peut-être à la prison. Is somebody getting it? Amen. Things can happen. There's something bad. Dinge können passieren. Amen. You can be facing one problem or the other. Amen. But you know, is that problem caused by you? Aber es ist Problem von dir verursacht. Or because of the truth that you choose to believe. Il dit ici, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été à plonger dans une fournaise et de l'épreuve comme si vous avez arrivé quelque chose d'anormal. Donc ça signifie qu'on peut avoir des problèmes et est-ce que tes problèmes viennent à cause de toi-même parce que ton cœur est endurci, ou bien c'est l'Éternel, ou bien c'est pour glorifier l'Éternel, c'est l'Éternel qui a permis ça pour que tu puisses lui rendre témoignage. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. It's a very rejoice in as much as you are partakers of Christ's suffering. You know, Paul have the right to rejoice because he's partaker. That is Paul and Silas. They have the right to rejoice because they were partakers of Christ's suffering. Paulus und Silas hatten das Recht, zu leiden, weil sie teilhaftig waren an dem Leid von Christus Jesus. Paul et Silas étaient vraiment capables à se réjouir en Christ parce qu'ils étaient faisaient partie et faisaient part parce que de la souffrance du Christ. Bless you. Aber du. Et toi? Amen. Are you choosing Christ? Wählen wir Christus? Est-ce que toi tu choisis Jésus Christ? See where you are today. Check where you are. Untersuche deinen Standort. Regarde là où tu es maintenant. Did you obey the voice of Christ to be there? Hast du der Stimme des Herrn gehorcht, um hier da zu sein, wo du gerade jetzt bist? Est-ce que tu as écouté et tu as obéi à la voix de l'Éternel? Now we have you to know where the persecution is coming from. Dann wirst du verstehen, woher diese Verfolgung kommt. Es kommt nicht von dir, es geht nämlich um dich. Et ça doit t'aider à comprendre que cette persécution, ça vient pour toi et pas pour le Christ. Praise the Lord. Parce que tu n'obéis pas. That when verse 13 again, he said, "But rejoice in as much as you are partakers of Christ's sufferings." That when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. If you be reproached for the name of Christ, happy are you. For the spirit of glory and of God rested upon you. And their part is he is evil spoken of. But on your part he is glorified. Oh, praise the Lord. Amen. Verse 15. But let none of you suffer as a murderer or as a thief. Are you getting it? Mm. As disobeying Christ. As your heart so hardened to the truth. Mm-hmm. You are not believing the message. You are not acting on it. Mm-hmm. You are not after it. It's just after you. After the hardness on repentance heart that you have. Then that's what he's talking about here. He said, but let not of your suffering be of murderer, or of a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Praise the Lord. Amen. Busybody. Mm. Amen. In other men's matters. Ja, weil er sich in fremde Dinge einmischt. Wir sollen halt nicht dadurch leiden, weil das ist dann eigenes Verschulden. Es hat nichts mit der Verfolgung von Christus Jesus zu tun. Es hat nichts mit der Anteilnahme haben am Leid des Christus. Es ist dann dein eigenes Bier. Mm. Donc on doit savoir que nos difficultés, ça doit seulement... Yeah. C'est seulement des histoires qui doivent venir du Christ. Et c'est pas que toi, tu es en train de t'impliquer, de te mêler des affaires des autres personnes. Tu joues l'arbitre de juge et puis tu demandes mais pourquoi il y a des persécutions. Non, c'est seulement pour le Christ. When evil things are happening to them, they remember Jesus and say they are being persecuted. That's not persecution. Wenn dann das Schlimme, wenn Amen, because you refuse to choose Christ. Wenn dann schlimme Sachen passieren, warning upon warning have been coming. And you just keep on rejecting it. Wenn dann schlimme Sachen passieren, ne? wenn man dann den Schwangerschaftstest in der Hand hat, wenn die Polizei dann vor der Tür steht, dann fängt man an zu sagen, ich werde verfolgt von Christus, aber das hast du dir selber eingebrockt. Quand par exemple tu as des problèmes qui sont en train d'être arrivés, par exemple là tu dis mais c'est la persécution, non, ça c'est toi-même qui as choisi de désobéir l'Éternel et c'est pour cela que tu as ce problème. Amen. And you said in verse 16, yet if any man suffer as Christ, amen, let him not be ashamed. It's not about Christianity as a name. It's about Christ. Und hier geht's nicht um das Christentum als ein Name, sondern es geht um Christus, ihn selbst. Mm. Donc ici il dit que mais si quelqu'un comme chrétien, il souffre, qu'il n'éprouve aucune honte. Donc ici il s'agit pas du christianisme, il s'agit d'un enfant de Dieu qui est en train de suivre le Christ. Amen. We do what they say, but the source, they are not the same. Wir tun das, was sie sagen, aber wir haben nicht die gleiche Quelle. Wie sie. Remember Jesus, he said, do what they say, but don't do what they do. On ihr erinnert euch an Jesus, als er gesagt hat, tut das, was die Juden oder was die Pharisäer sagen, aber tut nicht das, was sie tun. On dit, on doit faire, et Jésus-Christ nous recommande de faire ce qu'eux sont en train de dire, de ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire. They say you believe God, but they never believe. They are doing never. They never believe. Mm. You see that? Mm. They will say to you. He said, Jesus says, do what they say. Mm. You really believe God. Go to God and believe God, but don't do what they do because they reject God. Mm. Genau, weil tu nicht das, was sie tun, weil das, was sie tun, ist, sie verweigern Gott. Aber sie sagen, dass gehorche Christus, sie sagen, gehorche Christus, aber verweigern Christus mit ihren Taten, ihren Werken. Deswegen sollst du das tun, was sie sagen, aber nicht das tun, was sie tun, denn sie verweigern Christus. Donc, c'est pour cela, ce que Jésus-Christ voulait dire, c'est quand eux ils disent, par exemple, croyez à l'Éternel pendant que eux-mêmes ils ne croient pas à l'Éternel. C'est pour cela il nous dit que on doit faire ce que eux ils disent. mais pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, de croire en Jésus-Christ, mais avec nos actions aussi, de croire, de faire voir qu'on croit en Jésus-Christ. Et pas comme eux, de dire ça avec la bouche, mais ne pas agir en ça. Praise the Lord. Verse 17, I love you so much. Merci, 17. He said, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Amen. Amen. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of Christ? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinners appear? Is somebody, are you getting something here? If the righteous can hardly be saved. Wenn die Gerechten es nur mit Ach und Kraft ganz knapp schaffen. Donc il dit ici que même les justes, les enfants de Dieu dans l'évangile, sont vraiment ils ont du mal à être sauvés, donc c'est vraiment très difficile. Praise the Lord. He said, for the righteous scarcely can hardly be saved. Where shall the ungodly and the sinner? You can see three people there. The righteous, the ungodly, and then the sinners. Die Gerechten, die Ungläubigen und die Sünder. Die Gerechten? Die Gottlosen und die Sünder. Les Justes, les gens qui n'ont pas le Christ et les pécheurs. Donc il nous dit ici verset 18, comme le dit l'Écriture, si les justes sont sauvés à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir les méchants et les pécheurs? Donc tu vois qu'il y a trois catégories des gens. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19 says, wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well doing as unto a faithful creator. Praise the Lord. Please praise Him, please. Amen. Amen. Donc ainsi donc. Que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qui continue à faire de bien. Donc c'est pour cela, commencez à louer l'Éternel. You know, your hardness of heart can bring problems into your family. Die Verhärtung deines Herzens kann Probleme bringen in deine Familie. Ton cœur endurci peut emmener des problèmes à ta famille. If you have Satan's weapon, and if you use Satan's weapon to fight, you are the one that is in his possession. Whatever belongs to Satan, and he will come and get his own things. Und wenn wir mit diesen Waffen kämpfen, dann wird er auch für seine Waffen, wird er auch hinter diesen Waffen her sein, weil du nimmst sozusagen ein Pfand von ihm und er wird diese Sache wieder einholen, sich wieder zurückholen. Donc ça signifie que quand tu es dans le territoire du diable, tu es en train d'utiliser aussi ses propres armes. Ça signifie que lui, il va revenir reprendre ses armes que tu es en train d'utiliser. You know, when God's children are preaching the truth to you, they are telling you the truth, both in service, in Bible studies, everywhere. They are telling you, choose Christ, choose Jesus. You know, it's as if you are going to choose Jesus for them. Mm-hmm. It's actually for yourself. Amen. Mm-hmm. Because you are the one Satan will still kill and destroy. Mm-hmm. And we just pity you. Und wenn Kinder Gottes dir die Wahrheit geben, es scheint so, als ob man es für uns selbst macht. Wie du was, als ob es um uns geht, aber es geht eigentlich um dich, weil wir wollen dir helfen, dich retten. Et quand les enfants de Dieu te disent la vérité, te prêchent, toi, pour toi, c'est comme s'ils sont en train de... Tu dois te repentir pour eux, pour qu'eux puissent être satisfaits. Non, mais il s'agit de toi, ils sont en train de dire ça à cause de ta propre vie et de ta famille. You know, hardness of heart. Repentance heart. You know, the spirit of pride. Geist von occupy you. You allow it to occupy you. And God's children are telling you, the message is you're speaking. You know, I just turned the love for that the centurion man said the message is enough. Ich danke Gott für den römischen Hauptmann, der gesagt hat, obwohl er noch nicht mal gläubig war. Donc les enfants de Dieu sont en train de prêcher, de te dire, de te donner de l'aide, et toi c'est pas suffisant. Et je remercie pour le soldat romain par exemple. Lui, il a dit à l'Éternel, il a dit à Jésus-Christ, mais ta parole ça me suffit. Amen. He said, speak the word only. Christ's word is the message we preach here. Speak the word only. That is enough. Amen. Somebody that did not have covenant with God. How much more you? Donc cet homme romain là, il n'avait pas de lien avec Dieu, mais il a dit à Dieu que il a dit à Dieu que parle seulement, ordonne, et moi je sais que ça sera ainsi. Il n'avait même pas de lien avec Dieu, mais toi aujourd'hui que tu as un lien avec Dieu, pour toi c'est difficile de croire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Your hardness of heart. Die Härte unseres Herzens. L'endurcement de ton cœur. We fight you. We deal with you. Wird dich bekämpfen. That is not what heaven called persecution. Das ist nicht das, was der Himmel Verfolgung nennt. L'endurcement de ton cœur, ça va te combattre. Et c'est ça, c'est pas ce que le royaume de Dieu appelle Verfolgung. Persécution. You know, disobeying Christ can bring any problem to you. Christus zu missachten kann Probleme bringen, kann Türen öffnen für Probleme. De désobéir à Jésus-Christ, ça va t'emmener des problèmes. Even including throwing you into a prison. Es kann sogar ins Gefängnis bringen. Ça peut aussi te mettre dans une prison. Adam disobeyed God, and the end was death. Adam hat Gott missachtet und das Ende davon war der Tod. Adam a désobéi à l'Éternel et la fin c'était la mort. Amen. If you open the door for Satan, in any way, including your hardness of heart, Satan will do his job. Wenn du dem Satan die Tür öffnest, wird der Satan auch sein Werk machen. Er macht seine Hausaufgaben. Si tu ouvres la porte au diable, il va faire ses devoirs, il va entrer. Praise the Lord. Hallelujah. I will close. Let me, before I close, I'll quickly round up something here. We'll come here on Wednesday again. Amen. You know, Adam died immediately. He disobeyed God. Adam ist direkt gestorben, nachdem er Gott missachtet hat. Er ist wirklich gestorben. Adam, il est mort directement quand il a désobéi à l'Éternel. But it was as if he was not even dead. Well, because he barely, after disobeying God, he bare children. It was as if things were good. But he was a dead man before Christ. Hat sogar Kinder gebärt. Und aber dennoch war tot vor Gott. L'Éternel a dit à Adam qu'il va mourir quand il va désobéir à l'Éternel. Mais quand il a désobéi, c'était comme si rien s'est passé parce qu'il a aussi mis au monde des enfants. Il était encore en train de vivre. Don't allow Christ to see you dead. Lass nicht zu, dass Christus dich als tot sieht. Mais n'autorise pas au Christ de te voir comme si quelqu'un qui est déjà mort. Amen. And because you can be dead. You can be dead by disobeying him and it's as if things are still moving on for you. You have to know things are still moving. You know, you are still going to work like normal. You eat like normal. People around you, the people you know, everything just sound normal. You can even win everything. You are getting, you can even win lotto. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You have been around and gave birth to children. Amen. Mm-hmm. But before Christ, he was a dead man. Mm-hmm. Even those children. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Und genau deswegen dürfen wir uns da nicht von beirren lassen. Wir sehen jetzt im Leben von Adam, dass er hat Gott missachtet und er galt als tot für Gott, obwohl er danach noch Kinder gebärt hat, gearbeitet hat, gelebt hat, spazieren gegangen ist. Und genauso sehen wir das auch hier heute, dass der Herr Leute für tot erachtet, aber diese Menschen, denen scheint es anscheinend immer noch gut zu gehen. Also sie arbeiten immer noch, werden sogar vielleicht befördert, gewinnen vielleicht sogar am Lotto, machen krasse Reisen, haben jetzt einen noch größeren Freundeskreis und alles scheint gut, aber vor Gott sind sie tot. Lass nicht zu, dass du das bist. Donc on doit faire attention à ne pas être comme ces gens-là, parce que on voit par exemple même à l'exemple de Adam, il était parti, il avait mis en monde. Il y a aussi comme les gens qui sont en train de s'écarter de l'Éternel. Tu vas voir qu'ils ont beau, ils commencent maintenant à avoir de l'argent, ils ont gagné au loto, ils ont des enfants, des voitures, des amis, c'est là en train de voyager. Donc tu peux te dire que ben elle n'est plus chez le Christ, mais sa vie est vraiment très bien. Malgré l'Éternel voit cette personne là comme une personne morte et c'est vraiment horrible. Praise the Lord. On doit pas être comme ces gens. Amen. Amen. He still lived 930 years. A dead man living 930 years. Und Adam hat dennoch 130 Jahre gelebt. Long life. Langes Leben. Et Adam, il a continué à vivre 900 ans. But that does not mean before Christ you are alive. Das heißt nicht, dass du vor Christus lebendig bist. Donc malgré il a vécu 900 ans, mais ça signifie pas qu'il était il était en vie pour Christ. Please learn to obey him. Lerne bitte ihn zu gehorchen. Et c'est pour cela qu'on a Egal wie hart es ist. Peu importe comment c'est dur. It's better you are on the street preaching Christ than you are in a palace. Es ist besser, auf der Straße zu sein, Christus zu predigen, als dass du in einem Palast bist und ihn missachtest. C'est mieux même être, oui, être à la rue en train de prêcher la parole de l'Éternel ou à être dans un palais vraiment confortable. If you look at Paul and Silas, they were in prison, but praising God. Mm-hmm. Amen. You can't be on the street. You know, start to throw you on the street because of one reason or the other. Mm-hmm. Amen. You could not pay your house rent again because you have been there for Christ Jesus. Mm-hmm. They throw you on the street, then start preaching Christ on the street. Mm-hmm. Amen. Anywhere it is. I somebody getting it. Und das gleiche geht auch für Paulus und Silas. Sie waren im Gefängnis und haben trotzdem den Herrn gepriesen. Genauso auch bei dir. Deshalb, wenn man sich dann auf die Straße schmeißt, weil du nichts mehr hast, dann preise den Herrn, verkündige Christus Jesus. Et on doit être vraiment comme Paul et Silas, par exemple. Malgré tu n'es pas par exemple capable de payer ton loyer, on te sort de la maison, tu es vraiment sans le toit, tu es dehors, tu peux même commencer à prier l'Éternel parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc toi, accroche-toi à l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, along the line, we still have the message. I've never seen anyone thrown outside because of expiring date of any house. Amen. Of anything. And that the family, they are now living on the street. I've never even seen it yet. We were also in that shows of our brothers and sisters in Bielefeld. We were there. When we were believing the Lord for this house. Let me quickly just say it a little bit because we still have it. You know, we gave them 3 months to leave the flat we were living. And everything now expired. But one thing that was different from us and them was that we did not have alternative. Mm-hmm. There was nothing like, if it didn't work, where will we go? It never coming. Mm-hmm. Because it was all about Christ Jesus. Mm-hmm. If you allow alternative to come in, that alternative will work. Mm-hmm. But for us, we go there on Wednesday as the Lord directs us. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. We were in that position. The Lord said, I hold them with the pillar of fire. Amen. Nothing is, you are going nowhere until I say so. Yeah. Just listen to me. Yeah. Amen. Mm-hmm. You know, we were there. And you know, 3 months, more than 3 months, we are still there. After Kundigo, we were still there. They never come once to disturb us. Because there was nothing like alternative. Place your alternative, which is plan B. As you start planning it in the flesh. If there is plan B, it is to come from Christ. You know that of Elijah, Elijah came from God. He said after giving the message to the king, then the Lord now said, you go to, that was the next step. The next step came from the Lord. Don't allow the next step to come from the flesh. Und auch nochmal jetzt zum Schluss, was auch wichtig ist, dass wir waren auch schon mal in so einer Situation, wo es hieß, dass wir die Wohnung verlassen mussten, weil wir die Wohnung gekündigt hatten. Und der Zeitpunkt der Kündigung ist angekommen, aber wir waren dennoch in der Wohnung. Und der Unterschied zwischen der Situation, in der wir waren damals nach der Kündigung und der Situation, der die Geschwister heute sind, ist, dass wir einfach keine Alternative hatten zu dem Zeitpunkt. Es gab keine Großeltern, jetzt wenn ich jetzt von meiner Perspektive rede, oder keine Eltern, ne, von ihrer Perspektive oder Onkel, zu dem man hätte ziehen können, ne, in dieser Stadt. Ne? Es war entweder Straße oder Wohnung oder Haus, eins von beiden. Und weil wir keine Alternative hatten, hatten wir nur Christus Jesus. Ne? Und weil der Herr das halt auch wusste, weil wir das so gesehen haben, der Herr das auch unser Herz gesehen hat, hat er zu uns gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Dass genauso wie er die Ägypter aufgehalten hat in der Wüste mit einer Feuersäule, ne, die auf der einen Seite die Ägypter in Finsternis versetzt haben und auf der anderen Seite die Kinder Israels mit Licht und Wärme versorgt haben. Genauso wird er auch die Stadt davon abhalten oder den Vermieter davon abhalten, uns irgendwie rauszuschmeißen oder bei uns zu klopfen und Terror zu machen. Und wir haben 3 Monate nach der Kündigung immer noch in dieser Wohnung gelebt. Na, weil der Herr diese Menschen, weil der Herr das aufgehalten hat, ne, uns bewahrt hat davor. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir halt eben keinen Plan B haben, ne, keinen Plan B, mit, wo wir drauf schielen, wo wir uns schon darauf vorbereiten, diese Alternative anzunehmen, sobald es brenzlig aussieht mit dem, was der Herr eigentlich will. Deswegen, da müssen wir wirklich drauf achten. Und ich sag erstmal das. En fait, on doit vraiment faire attention parce que nous aussi, on a été dans cette situation avec, comme nos frères et sœurs les Fèges, par exemple, on a été dans une situation où on n'avait pas de choix, on devrait déjà déménager, on avait déjà fait donner la cundigong, par exemple, oui, quand on doit déjà sortir de la maison, mais on est resté encore 3 mois derrière parce qu'on n'avait pas des alternatives. L'Éternel nous a dit qu'on a fait seulement confiance à l'Éternel et on savait que c'est lui qui va dire le dernier mot. Et on s'est accroché à lui et on n'a pas autorisé que de se préparer, d'avoir une alternative au cas où. Parce que quand tu te dis que j'ai une alternative, au cas où ça ne marche pas, tu vas commencer déjà à te préparer à écouter la voix de la chair et pas à écouter la voix de Dieu. Parce que quand tu n'as pas de l'alternative, c'est seulement la voix de Dieu que tu es forcé d'écouter. Mais quand tu as une alternative, tu vas commencer à te préparer aussi charnellement. Et c'est pas comme ça que l'Éternel fonctionne. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment faire attention. Praise the Lord. Hallelujah. Genau. Und auch bei Elijah sehen wir das. Ne? Gott hat ihn geschickt, zum Bachrit zu gehen, aber diese Idee war nicht von ihm selbst, es war kein Plan B nach dem Motto, wenn es im Palast zu bunt wird, gehe ich unter den Baum, nein, sondern es war der Herr, der diesen Plan B gebracht hat. Na, deswegen sollen wir keine eigenen Pläne haben, sondern der Herr soll unsere Pläne, soll der Autor unserer Pläne sein. Et c'est pour cela que c'est important de ne pas avoir de deuxième plan, par exemple, parce que, par exemple, si on voit dans l'histoire de Élisée, lui, il est parti là où l'Éternel lui a envoyé à se faire nourrir à travers des corbeaux, pas parce qu'il se disait que ça, c'est une autre alternative, c'est quelque chose de pas mal, je peux le faire. Non, il est parti parce que c'est l'Éternel qui lui a donné, qui lui a dit, aujourd'hui, tu pars là-bas, et c'est pour cela qu'il est parti. Et on doit faire attention et de ne pas vouloir avoir des alternatives et de laisser l'Éternel avoir des plans B, de laisser vraiment l'Éternel marcher. Amen. Amen. After many months, we are the one that even went to call. Yeah. Und wir sind sogar dann auf den Vermieter zugegangen und gesagt, wir werden dann jetzt so weit, wir können jetzt die Schlüssel übergeben. Donc après même 3 mois de délai, nous on était des personnes qui ont appelé même le locataire pour lui dire que ben on est maintenant prêt pour sortir d'ici. C'était pas lui qui nous a appelé. Satan loves alternatives. Der Satan liebt Alternativen. Le diable aime les alternatives. Once you have it, wenn du sie hast, then he is the one always bringing it. Und bringt sie. Et c'est lui qui emmène les alternatives. Once you embrace it, then he got you. Dann hat er dich. Et quand tu acceptes cette alternative là, il t'a déjà eu. He will make sure that alternative work for you. Er stellt also sicher, dass diese Alternative funktioniert. Und das ist sogar erst, dass diese Alternative sogar ein Muss ist. Dass die Situation so krass wird, dass du sogar die Alternative zwingendermaßen nehmen musst. Il va vouloir vraiment que tu puisses, tu puisses suivre cette Alternative. Il va tout faire pour que tu puisses être dedans. Praise the Lord. Please, everything should be to correct us. Und all das, was wir hören, sollte sein, um uns zu belehren, um uns zu korrigieren. Et tous ces messages doivent être là pour nous corriger et pour nous apprendre encore plus. Amen. Amen. It should help us to walk how the Lord wants us to walk. Es sollte uns helfen, so zu wandeln, wie der Herr es möchte. Ça doit nous aider à marcher selon l'Éternel. Hey, all this correction should bring us further to Christ. All diese Belehrung should not allow it. Allow Satan to use them to take us away from Christ Jesus. Es darf nicht dazu führen, dass es uns wegnimmt von Christus Jesus. Toutes ces corrections, ça doit nous emmener encore près du Christ et ça ne doit pas nous enlever du Christ. Amen. I've said it before and I will say it again. If you don't love correction and repentance and just ready to repent, you don't need to just forget about Jesus. Wenn du nicht bereit bist, Buße zu tun, dann vergiss Jesus Christus. Oh, live in church. Oh, the truth. Faire la repentance. Donc, oublie Jésus-Christ, oublie l'Église vivante, oublie la vérité. Go and follow religion. Folge Religion. La, va et choisis la, live, la, la religion. Live the truth. Aber lass die Wahrheit in Ruhe. Mais laisse la, la vérité. If you say you want the truth, wenn du sagst, dass du the die Wahrheit truth willst, is full of correction. Die Wahrheit ist voll von Belehrung. Si tu veux la vérité, tu dois savoir que la vérité est vraiment plein et remplie de correction. And it demands your repentance. Und es fordert deine Buße. Et ça demande vraiment ta repentance. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. So we close there. Yeah, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.